soir de Noël, un peu partout dans le monde, tout le monde fait la fête, les filles comme les garçons. Ils boivent et sortent des trucs en disant bonne année, sans se soucier du drame qui allait se passer. Cette nuit-là, dans une forêt lointaine, Sangohan se levait pour jouer à la jaune fontaine. Puis il se transforma d'une manière de penser. Joyeux Noël à tous, vous pouvez tous crever. La nuit où les Saiyans deviennent fous, c'est la nuit où ils détruisent et cassent tout. Ça peut être un soir comme Noël, c'est le soir où la lune devient pleine. Et il se transforma en un gorille plein de poils, que même Godzilla, il ferait pas le poids. Il écrase sa maison, il détruit la forêt. Ses yeux rougeoyants ne contrôlaient pas ce qu'il faisait. Il cracha de la puissance, c'est un gros caméa qui créa une grande tranchée dans un terrain plat. Il prit un forestier qui le trouvait très laid et le bouffa en pensant sale coup de poulet. La nuit où les Saiyans deviennent fous, c'est la nuit où ils détruisent et cassent tout. Ça peut être un soir comme Noël, c'est le soir où la lune devient pleine. Mais que fait la police, l'armée et le FBI? Mais tout le monde fête Noël sans faire gaffe à Sangohan. Mais pourquoi Toriyama a eu cette idée-là? Oui, pourquoi voulait-il faire des Saiyans comme ça? Oh oui, pourquoi? Na na na na na na. Sangohan avait l'air d'un chouette gars. Maintenant c'est le matin et Sangohan se relève. Il regarde des astres sans voir ce qui lui manquait. Quand il se retourna, il vit avec horreur qu'on lui avait coupé la queue de singe qu'il avait tout à l'heure. Parce que c'est un gros gars armé d'un grand sabre qui a sauvé la plaine en coupant net ce qu'il croyait un arbre. Il pensa à son futur, s'il a des petits membres, il pourra le raconter. J'en ai une bien bonne, c'est l'histoire de la nuit où les Saiyans deviennent fous. C'est la nuit où ils détruisent et cassent tout. Ça peut être un soir comme Noël, c'est le soir où la lune devient pleine. La nuit où les Saiyans deviennent fous, c'est la nuit où ils détruisent et cassent tout. Ça peut être un soir comme Noël, c'est le soir où la lune devient pleine. Dites-moi ce qui est arrivé à Kira ce jour-là. Dites-moi ce qui est arrivé à Kira ce jour-là.